الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد page vous avez page combien vous j'ai 392 بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. Il faut croire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait le voyage nocturne vers les cieux et au chemin du trône, Arsh, et qu'il a entendu la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il est entré au paradis, qu'il a constaté le feu et a vu les anges, al-malaika, qu'il a entendu la parole d'Allah, azza wa jal, et que les prophètes lui ont été montrés. Il faut croire qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, a vu le rideau, du trône et le repose-pied, al-kursi, et que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans les mondes se revivifie, qu'il a été pris par Jibril sur al-buraq et qu'il l'a porté à travers les cieux. Les cinq prières journalières ont été instaurées pour lui cette nuit-là. Il faut croire qu'il est revenu à Mecca cette nuit-là, et cela avant la hijra. شرح explication قوله الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى السماء أعود المقطع هذا قال الشارح هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم fait partie des miracles du messager ceci فمن الإيمان بالرسول الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم comme le fait de croire au messager le fait de croire à ces miracles qui montrent la véracité de son message. Wa a'zam mu'jizatihi al-Qur'an wa as-Sunnah. Hadhihi a'zam mu'jizat ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa hiya al-mu'jizatu al-baqiyah ila an taqum as-sa'ah. Donc parmi ses plus grands miracles, le Coran et la Sunna. Ça fait partie des plus grands miracles du messager. Et ce sont les miracles qui restent et qui sont effectifs jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la levée de l'heure. Wa kadhalika mu'jizatihi sallallahu alayhi wa sallam al-Isra wa al-Mi'raj. Également parmi ses miracles, Isra donc c'est le voyage nocturne et le Mi'raj c'est l'ascension. Al-Isra huwa as-sayru fi al-layl. Al-Isra huwa as-sayru wa huwa as-sayru fi al-layl. C'est le fait de se déplacer de nuit ou voyager de nuit. Wal-Mi'raj huwa huwa as-su'ud. C'est le fait de monter, l'ascension. Wa qad usriya bihi laylan min al-Masjid al-Haram fi Mecca ila al-Masjid al-Aqsa fi Palestine. Donc, il a voyagé de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa en Palestine, fi laylatin wahida, au cours d'une seule nuit. بصحبة جبريل عليه السلام en compagnie de جبريل عليه السلام وعرض به إلى وعرج به إلى السماء من بيت المقدس donc de Philistine il est monté au ciel وكيف أنه صار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم نزل من السماء ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة comment cela est-il possible qu'il voyage en si courte durée de Mecca en Palestine et qui monte au ciel et revient à Mecca au cours d'une seule nuit. قال هذا بقدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء لا بقدرته هو عليه الصلاة والسلام. Ça, ça fait partie de la puissance d'Allah جل وعز qui n'est pas limitée par quoi que ce soit. C'est pas une capacité du messager lui-même. بل بقدرة الله التي لا يعجزها شيء أتي بالبراق وهي دابة سريعة المشي. Donc on a fait venir le buraq, qui est donc une bête qui se déplace à une vitesse très rapide. خطبها عند مد بصرها. Cette bête-là, elle pose son pied là où le regard se limite, à l'horizon, portée de vue. فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جبريل إلى بيت المقدس هذا هو الإسراء. Donc il est monté dessus, le prophète صلى الله عليه وسلم. Jibril était en sa compagnie jusqu'à Beit al-Maqdis en Palestine, le Masjid al-Aqsa. C'est ça, l'Isra. voyage nocturne. Wa amal mi'raj concernant l'ascension, faqad uriza bihi min bayt al-Maqdis ila as-sama. Donc ça s'est passé de Palestine jusqu'au ciel. Wa jawaza as-sab' at-tibaq wa intaha ila sidrat al-muntaha. Il a passé les 7 superposés. 7 superposés, c'est as-samawat as-sab'. As-sab' at-tibaq, c'est les 7 cieux. Wa intaha ila sidrat al-muntaha. Il s'est arrêté à sidrat al-muntaha. Wa sami'a kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Il a entendu les paroles d'Allah. Wa amarahu bis-salat. Allah lui a ordonné la prière. Au cours de cette nuit-là, il a vu le paradis et l'enfer. Il a vu également, au cours de cette nuit-là, les messagers et les prophètes dans les cieux. Et Allah les a réunis pour lui et il a dirigé une prière en leur compagnie. Idharan li fadlihi alayhim. Pour faire apparaître son mérite sur eux. Allah il a rendu obligatoire les 5 prières pour lui et sa communauté alors qu'il était au ciel. Puis il est descendu donc à la mosquée Al-Aqsa. Et il est retourné à la Mecque au cours d'une seule nuit. Il était donc de retour à la Mecque avant Al-Fajr. وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه. انظر تفسير ابن كثير وفتح الباري وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. Donc, c'est son corps et son âme qui ont voyagé tout ce voyage-là. لم يكن بروحه فقط كما يقوله بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء. C'est pas seulement son âme qui a fait ce voyage-là, comme le disent certaines personnes qui réprouvent et qui trouvent cela étrange. منكر, c'est réprouvé. الاستغراب, c'est trouvé cela étrange. لهذا الشيء. ويقولون إنه أسري بروحه دون جسمه. Ils disent que c'est seulement son âme qui a voyagé, c'est pas son corps. وليس الإسراء مناما يعني حلما. يعني الإسراء ça s'est pas fait seulement pendant le sommeil. Hein? C'est pas un rêve. ولكنه يقظة. يقظة c'est-à-dire en état d'éveil. أسرى به صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس مناما. Il a bel et bien voyagé, corps et âme, alors qu'il était éveillé. Il n'était pas en état de sommeil. وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لأي شيء لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة 17 verset 1 الله dit dans le Coran le sens gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour. Cheikh dit لأي شيء يعني pourquoi il a fait tout ce voyage là afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. ورأى في هذه الليلة العجائب كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Au cours de ce voyage là il a vu des choses عجائب, يعني des choses très étonnantes. Comme Allah dit dans le Coran surat Najm surat 53 verset 18, il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. وفي سورة الإسراء يقول لنريه من آياتنا. Dans سورة الإسراء comme on a vu, afin de lui faire voir de nos merveilles. فرأى من آيات الله عز وجل في هذه الرحلة المباركة ما رأى. Il a vu au cours de ce voyage là ce voyage béni, ce qu'il a vu. فَيَجِبُوا عَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يُؤْمِنَ بِذَلِكَ. Le musulman doit croire à cela et déclarer cela comme étant véridique d'une manière ferme. وَأَنْ يُصَدِّقَ بِهِ وَأَلَّا يَعْتَرِيهِ أَدْنَا شَكٍ فِي ذَلِكَ. Il ne faut pas que s'oppose ou s'expose à lui un quelconque doute. يَعْتَرِيه, c'est s'exposer à lui. أَدْنَا, c'est voilà, c'est plus petit doute qui soit possible. Adna Aqsa. Adna c'est proche, Aqsa. Adna c'est le plus proche, Aqsa c'est le plus loin. A savoir ici, on ne peut pas traduire par le plus proche doute, mais le plus petit doute. وَمَنْ أَنْكَرَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا. Celui qui réprouve cela devient mécréant. الْمُكَذِّبُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ devient mécréant. فِي أَيْ شَيْءٍ. لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ وَمُكَذِّبٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُكَذِّبٌ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. Parce qu'il a démenti Allah, il a démenti le messager, il a démenti l'unanimité des musulmans. قَوْلُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاطَّلَعَ إِلَى النَّارِ. قَالَ الْإِمَامُ الْبَرْبَهَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré au paradis et il a constaté l'enfer, ou il a vu l'enfer et ce qui s'y trouve. Dakhal al-jannah, il est rentré au paradis. Ra'a ma fiha min an-na'im, wa ra'a ma fiha min an-na'im. Il a vu les délices qu'elle contient ou qu'il contient. Wa tala'a al-nar wa ra'a ma fiha min al-'adab. Également pour l'enfer, il a vu ce qu'il y avait en enfer. Li'anna Allah yuridu an yuriyahu min ayatihi. Car Allah veut lui faire voir de ses merveilles. Qawluhu wa ra'a al-mala'ika. Qawluhu wa ra'a al-mala'ikata. Et sa parole, il a vu les anges. رأى جبريل على خلقته الملكية له 360 جناحا كل جناح سد الأفق. Donc il dit, il a vu Jibril alayhi salam sur son apparence d'ange, ayant 360 ailes, il a couvert l'horizon. C'est-à-dire, tu regardes en haut, à droite, à gauche, etc., tu vois que ses ailes, il a couvert tout. فَالْمَلَكُ خِلْقَتُهُ عَظِيمًا. L'ange, son apparence, elle est réelle, sa création réelle, elle est grandiose. وَجِبْرِيلُ هُوَ أَعْظَمُ الْمَلَائِكَ. Et Jibril alayhi salam, c'est le meilleur, ou le plus grand, ou le plus valorisé des anges. وَسَيِّدُ الْمَلَائِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَرَأَ الْمَلَائِكَةَ وَرَأَ الرُّسُلَ وَهُمْ أَمْوَاتٌ. Il a vu donc les anges, et il a vu également les messagers qui étaient morts. Ils sont morts. À part Isa alayhi salam, tous les autres, ils sont morts. جمعهم الله له جمعهم الله له. Allah les a réunis en sa faveur. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est omnipotent. قوله وراء سرادقات العرش والكرسي. سرادقات, c'est traduit par rideau, c'est ça? Ouais. Il a vu donc les rideaux du trône et du repose-pied. وراء ما حول العرش. Il a vu ce qu'il y a autour du trône. وما حول الكرسي. Ce qu'il y a autour du repose-pied. وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما. Rideau, ma n'arrive pas à la lafza hadi. J'ai regardé dans le Coran suradiquha. Traduis pas exactement comme ça, mais je sais pas. La première fois que je suradiquat l'arche. Hein? Suradiquha dans le Kahf. للظالمين نارا حاط بهم سرادقها. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. ليظهر حاط بها نارا حاط بهم سرادقها. Dont les flammes les cernent. الله أعلم. Avec كل حال, ils ont traduit par rideau ici. Cheikh dit وراء ما حول العرش وما حول الكرسي. Il dit en fait qu'il a vu ce qu'il y a autour du trône et ce qu'il y a autour du repose-pied. Et le trône et le repose-pied sont deux créatures. Sont deux créatures. Makhlouqani Aziman. A'zamul makhlouqat wa ma hawlahuma. Il y a deux grandes créatures énormes. Et il a vu ce qu'il y a autour. L'arche et le kursi qui font partie des huit choses qu'Allah a créées qui n'ont pas de fin. Qal wa qawluhu wa jami'u ma fi samawati fi al-yaqadha. Hada raddun ala alladhina yaquluna innahu manam. Donc il dit maintenant, il a vu il a vu tout ce qu'il y a dans les cieux en état d'éveil. Ça c'est une réplique sur ceux qui disent que c'était en état de sommeil. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dormait, son âme, elle a voyagé, elle s'est baladée, elle a vu ces choses-là. Si vraiment c'était seulement un rêve ou bien un songe, etc., les kofars, ils n'auraient pas dit que ni tu mens, etc. Ils auraient approuvé totalement parce que le rêve, ils savent très bien que c'est effectif. Il n'y a personne qui blâme ou qui dit que cela aurait été impossible. Moi, ce qu'ils auraient prouvé, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé ou kada ou kada. Wallahu jalla wa ala yaqul asra bi abdi. Allah, il a dit dans le Coran qui fit voyager son serviteur. والعبد اسم للروح والجسم معا. العبد c'est un mot qu'on utilise pour le corps et l'âme. فالروح وحدها لا تسمى عبدا والجسم وحده بروح بدون روح لا يسمى عبدا. Donc l'âme sans le corps ce n'est pas une créature, ce n'est pas un abd, insan, et le corps sans l'âme également c'est pareil. فلا يسمى عبدا الا للجسم فلا يسمى عبدا الا للجسم والروح معا. يعني les deux constituent العبد. قوله حمله جبريل على البراق. البراق داب. Donc le براق comme on a dit avant c'est une bête. قوله وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس. Donc les cinq prières ont été rendues obligatoires au cours de cette nuit là. Ça c'est une preuve sur la grande valeur des prières. أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بينهم وبين الله بدون واسطة. Ces prières-là, elles ont été rendues obligatoires dans le ciel entre lui et Allah sans l'intermédiaire de Jibril. خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. Contrairement au reste qui descendait sur le messager في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام. Sur qui descendait par l'intermédiaire de Jibril عليه السلام. وفهذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل. Ça montre la grande valeur de ces cinq prières là près d'Allah. وكان زمن الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة. الإسراء إن اختلف العلماء sur le mois et l'année إلا أنهم اتفقوا أنه قبل الهجرة إلى المدينة. C'était avant qu'il émigre à Médine. وصلى الصلوات الخمس في مكة عليه الصلاة والسلام. Il a prié à la Mecque les cinq prières. قوله ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. Donc il est revenu à la Mecque au cours de cette même nuit-là. Et tout ça, ça s'est passé avant l'immigration qu'il a fait vers Médine. ورجع إلى مكة ليلته ولذلك الكفار استغربوا هذا. Pour ça, les mécréants, ils ont trouvé ça vraiment très étrange. وفرحوا بذكر هذا الحادث من أجل أن يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils ont été contents qu'il ait osé atteindre le fait qu'il évoque cet événement-là. حادث, quelque chose qui s'est passé, un événement. Parce que c'est un moyen pour eux de l'avilir et de l'amoindrir. ويتهكموا به. تهكم, c'est السخرية. تهكموا به ويسخروا منه والاستهزاء والسخرية وكذا. يعني se moquer de lui. فالله جل وعلا رد كيدهم وصدق رسوله وأنزل في ذلك القرآن. Donc Allah il a répliqué sur leur ruse et il a déclaré véridique son messager et il a fait descendre à ce propos là des versets de Coran. Yaqadha, c'est un état d'éveil. Le manam, c'est quand tu dors, tu songes, et le yaqadha, c'est un état d'éveil. الشيخ أحمد نجمي رحمه الله دي أما قول المؤلف حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات فهذا فيه نظر. La parole de l'auteur où il dit Jibril عليه السلام l'a mis يعني sur le buraq jusqu'à ce qu'il a atteint les cieux, c'est ça non? La traduction حتى أداره في السماوات à la fin حمله جبريل على البراق et qu'il a porté à travers les cieux. Porté à travers les cieux. الشيخ رحمه الله دي هذا فيه نظر. Ça demande un regard perçant. Id fihi nazar, c'est-à-dire que c'est contestable les discussions. Id lam yahmilhu al buraq illa hina sara ila bayt al maqdis, parce qu'il dit ce qui est connu c'est que il était sur le buraq jusqu'à Palestine, après il a quitté le buraq. Amma 'inda 'urujihim bayt al maqdis ila as-sama fa adh-dhahir annahu kana fi al mi'raj wa laysa al buraq kama qala al mu'allif yarhamuhu Allah billahi al tawfiq. Dit en apparence quand il a fait l'ascension il était plus sur le buraq. Wallahu a'lam. C'était dans la mosquée, c'était en bas, c'est sur terre. Il dit aussi, rahimahullah, il dit amma qawluhu arwah al-fujjar wal-kuffar fi bi'ri hadha mbad. Et voilà, mbad, ça vient par la suite. Tayeb, bas. Qala al-mu'allif rahimahullah wa'alam anna arwah al-shuhada fi hawasil tayghin خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في السجين. Sache que les âmes, roues des martyrs, nichent dans des lanternes sous le trône, arche, errant tous librement au paradis. Les âmes des croyants moumines sont tous sont sous le trône. Les âmes des incrédules, les kuffars, sont des libertins al-Fujja dans le Barahout, qui est le Sijin. قوله وعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. Sache que les âmes, arwah des martyrs, nichent dans des lanternes sous le trône. طيب فإن الروح التي بها يحيى الإنسان ويتحرك ويد ويدركوا ويدركوا سر من أسرار الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله. Donc il dit les âmes à travers laquelle la personne elle vit et il se déplace et il perçoit les choses, l'idrak c'est la perception, سر من أسرار الله, ça fait partie des secrets d'Allah, des choses qui ne sont pas perceptibles ou qu'on ne peut pas atteindre. لا يعلمها, il n'y a que Allah qui connaît la réalité de ces choses là. لا يعلمها إلا الله أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم illa qalila. Allah dit dans le Coran, surat 17, verset 85, le sens, il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme, révèle de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a, et on, ne vous, l'âme, relève, relève. L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Surat 17, verset 85. على أن المراد بالروح هنا ما يحيى به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح. Donc il dit, en sachant que ce qui est voulu ici par l'âme, c'est à travers quoi la personne elle vit, et l'animal vit, et tout ce qui a une âme vit. وقيل إن المراد بالروح نوع من الملائكة والله أعلم. Également ce qu'il a été dit à propos de ce verset-là, que c'est une sorte d'ange et Allah est plus connaisseur. والروح في اللغة, l'âme, الروح, dans la langue, le langage. تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح. Donc c'est un terme qu'on utilise, l'âme, pour déterminer ce à travers quoi toute chose qui vit vit. يعني الحياة على قسمين, car la vie est sur deux catégories ou deux sortes. حياة حركة, la vie de mouvement, وهذه تكون في ذوات الأرواح. Et ça c'est ce, ça c'est à propos des créatures qui ont une âme, telles que l'homme, telles que l'animal, etc. Il bouge, etc. Tant que l'âme elle est dans son corps. وحياه نمو اي une vie de développement. النمو كما قيل في الزكاه, الزكاه معناها النمو والزياده والطهاره وكذا. النمو سي لو ديفلوبمون, une vie de développement. وهذه تكون في الاشجار والنباتات. اي سا سي ا بروبو, انظر انواع الحياه, زاد معاد. سا سي ا بروبو دونك دي زاربر دي بلانت اكسيتيرا كي سو ديفلوب كي غرانديس ا اترافير جوستمون لام كيلز اون لا في كيل détiennent. ومنها حياة الجنين في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح. Également la vie de الجنين, يعني de l'embryon, le bébé dans le ventre de sa mère, avant que l'âme ne lui soit insufflée. فإذا نفخت فيه الروح صار فيه روح الحركة. صارت فيه روح الحركة. Lorsque l'âme lui est insufflée, le voilà qui bouge et qui fait des mouvements. أما قبل ذلك ففيه روح النمو. Avant cela, il a l'âme de développement, c'est-à-dire que l'embryon est en train de grandir, se développer dans le ventre de sa mère sans mouvement. وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح. Il dit que donc ulama al-kalam, ahl al-kalam et les philosophes ils se sont يعني pas mis d'accord. اضطرب, c'est-à-dire اختلف. اضطرب معناه اختلف, c'est-à-dire qu'ils ont eu des paroles diverses, etc. Ils ne sont pas mis d'accord sur la réalité de l'âme. وعجزوا عن إدراكها. وعجزوا عن إدراكها. Ils ont été incapables de la percevoir, de la déterminer. تخبطوا فيها تخبطات كثيرة وعجزوا عن إدراكها. Ils ont dit yani des paroles qui sont totalement vaines, des choses qui sont totalement fausses en parlant de ceci et de cela. تخبط هذا وعجزوا عن إدراكها. Et ils ont été incapables de la percevoir. الشيخ أحمد نجمي رحمه الله dit وأما قوله وأرواح الفجار والكفار. Les âmes des libertins et des mécréants sont dans le puits de Barahout, qui est dans ces djinns. Fa'akoul, il dit, Amma bi'ru Barahout, fahiyya bi'run fi shajari fi sharqi adan, baynaha wa bayna hadramout. Walqawl bi'anna arwah al-kuffar, al-fujjar wal-kuffar, tujma'u fiha, hada lisa alihi dalilun sahih. Il dit le fait de dire que. Puits, haka une autre traduction, puits de Barahout. Non, non, j'ai dans le barahout, c'est tout. Donc c'est un puits sharq, à l'est de Aden, entre Aden et Hadramaut, au Yémen. Et le fait de dire que Arwah al-Fujjar, les âmes des libertins et des kuffars, vont être réunis dans ce puits-là, il dit qu'il n'y a pas de preuve authentique à ce sujet-là. Walakin warada atharun fi sanadihi majhoul an Abdillah ibn Amr. Donc il dit, il y a un récit qui est cité à ce sujet-là, mais dans sa chaîne de rapporteur, il y a quelqu'un qui est ignoré, majhoul. Selon Abdillah ibn Amr, a évoqué cela, le commentateur. Le commentateur, c'est, il dit ici, Aïe, Cheikh Mohamed Saïd al-Qahtani. قال قلت والصحيح ما أخبر الله عز وجل به في كتابه في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Donc il dit, ce qui est juste à ce propos-là, c'est ce qui est cité dans Surat al-Mutaffifin, le verset que vous connaissez, les Kitab al-Fujjar, le Fisidjin. Wassidjin mubalagha min al-Sijin, wahul makan al-Dayiq. Sidjin est dérivé du mot Sijin, donc prison, qui est un endroit qui est étroit et rétréci. وهو في أسفل الأرض qui est au plus bas de la terre كما قال ذلك أهل العلم comme les savants ils ont dit que النار elle est au plus bas de la terre elle est en dessous de la terre et l'enfer elle est au-dessus des cieux نسأل الله العافية منها نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه وبالله التوفيق entre Aden et Hadramaut mais il dit qu'il n'y a pas de dalil clair là-dessus ou authentique à ce sujet-là Non. C'est pas que c'est au Yémen là. Il a pas dit que le Barbahar il dit que c'est au Yémen. Il dit que. Il dit que Amma bi'ru barahout fa hiya bi'run fi sharqi Adam. Hada kalam sheikh il dit fa akulu. C'est lui qui dit ça. C'est pas le Barbahar. Il a pas dit que le Barbahar il a dit ça. Mais il a dit le fait de dire que les âmes elles sont dans cet endroit là. Là il n'y a pas de dalil alayha authentique. Si ce n'est Atar où il y a un élément dans la chaîne. Qui est ignoré, inconnu. Yani. Allah. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم يسل روحه ثم تسل روحه بلا ألم ويعرف الميت الزائر إذا زاره ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. Il faut croire que le défunt s'assiera dans sa tombe, Allah lui rendra son âme afin qu'il soit interrogé par Munka et Nakir au sujet de la foi et ses conditions requises. Alors son âme lui sera retirée sans douleur, sans aucune douleur. Le défunt a connaissance de celui qui lui rend visite quand il vient à lui. Le croyant est dans une situation confortable et bienheureuse dans sa tombe. Et le libertin est châtié comme Allah le veut. الشرح قوله الإيمان بأن الميت يقعد في قبره يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره ميت يقعد جالسا في قبره faut croire fermement que le défunt sera mis assis يعني faire asseoir dans sa tombe وتعاد روحه في جسده et on va faire يعني son âme va reprendre son corps ويأتيه ملكان deux anges vont venir le voir أحدهما منكر والآخر النكير فيسألانه وهذه هي الفتنة في القبر l'un d'entre eux s'appelle Munkar et l'autre s'appelle النكير et ils vont l'interroger à propos de donc c'est ça la l'épreuve de la tombe وهي أشد ما على الميت la chose la plus difficile pour le mort le défunt إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعدها s'il est sauvé de cette étape là il sera sauvé de ce qui suit وإن لم ينجو من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له s'il n'est pas sauvé de cette étape là il n'y aura pas de sauvetage par la suite. يسألانه عن ثلاث مسائل. Interrogé sur trois choses. من ربك فالمؤمن يقول ربي الله. المنافق يقول ها لا أدري. ثم يقولان له ما دينك المؤمن يقول دين الإسلام. والمنافق والمرتاب يقول ها لا أدري. ثم يقولان له من نبيك المؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنافق يقول ها لا أدري. Donc vous l'interrogez sur les trois choses. Que vous connaissez, de son adoré, de sa religion et de la personne qui a été envoyée ou du prophète. Et le mu'min, il va répondre trois réponses que vous connaissez. Et le munafiq ou le mortab, celui qui a des doutes, celui qui n'était pas convaincu de cette chose-là par son cœur, il va dire Ha, yani je ne sais pas. Il a akhiré. Fal mu'minu yuwassa'u lahu fi qabri. Le mu'min, sa tombe va s'élargir. Wa yufrashu lahu min al-jannah. Et on va lui apposer de ce qu'il y a dans le paradis. Et il y a une fenêtre, une porte qui va s'ouvrir vers le paradis. Et de son odeur va lui parvenir. Et il va être dans un délice dans sa tombe. Pour le mécréant et l'hypocrite, sa tombe va se resserrer. Il aura un sol de feu. ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها et son odeur et de sa ardeur et chaleur va lui parvenir وهذا معنى قوله وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه alors son âme lui sera retiré. Non, c'est pas ça. Allah lui rendra son âme afin qu'il soit interrogé par Munkar et Nakir au sujet de la foi et ses conditions requises. قوله ويعرف الميت الزائر إذا زاره. Le défunt connaît celui qui le visite lorsqu'il le visite. ولذلك تشرع زيارة القبور لأن الميت يأنس بزائره. Pour cela qu'il est légiféré de visiter les tombes, car le défunt, le mort, يأنس بزائره. Il est comment dire? يأنس, comme on a dit l'autre fois, c'est prendre compagnie. Il est quelqu'un qui vient le visiter, lui tenir compagnie. وهذا من أمور البرزخ. Ça fait partie du domaine de la vie intermédiaire, c'est-à-dire la vie tombale. نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل. ما ثبت به الدليل. Personne ne peut se prononcer. Il dit nous, on ne se prononce pas. Personne ne peut se prononcer sur des choses de l'invisible sans avoir de preuve. لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يؤخذ من هذا أن الميت يطلب منه شيء. Il faut absolument pas prendre de cela qu'on on peut demander quoi que ce soit à un mort. فيقال ما دام أنه يعلم من يأتي إليه لماذا لا نطلب منه حوائجنا. Yani le fait de dire par exemple puisque le défunt il sait qui c'est qui le visite, pourquoi on ne lui demande pas des choses. نقول هذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. Allah n'a pas légiféré cela. الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. Les compagnons n'ont jamais rien demandé au messager après sa mort. مع أنه حي في قبره حياة برزخية ليست هي حياة دنيوية. Alors que le prophète صلى الله عليه وسلم il est vivant dans sa tombe, vivant dans le sens de la vie tombale, pas la vie mondaine. قال قوله ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. Croyant est dans une situation confortable et bienheureuse dans sa tombe au Qabr et le libertin est châtié comme Allah le veut. من أصول الإيمان الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. Parmi les fondements de Ahl al-Sunnah, de croire fermement au châtiment de la tombe et son délice. خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا. Contrairement aux معتزلة qui réprouvent cela. يقولون الميت في قبره مثل ما مثل ما وضعناه ليس عنده عذاب ولا نعيم. Ils disent le mort dans sa tombe, il est comme on l'a posé. Comme on l'a posé dans sa tombe, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de délice. يعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم. Se basant sur leur raison, sur ce que leurs yeux voient et ce que leurs sensations, yani, ou ce que en réfléchissant, ce qu'ils atteignent. ولا يؤمنون بالغيب. Ne croient pas réellement à l'invisible. ولا تقاس الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا. Faut pas faire d'analogie entre la vie mondaine et la vie dernière ou la vie dernière avec la vie mondaine. عليك أن تؤمن بالغيب. Faut croire à l'invisible. وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت. Châtiment de la tombe, délice de la tombe est raffermi et authentique. Bel mutawatir fil ahadith. Puisque cela, il a atteint le plus haut degré d'authenticité. Anna al-mayyita imma an yu'adhaba fi qabrihi wa imma an yun'am. Le défunt, soit il est châtié dans sa tombe, soit il est dans des délices. Faman yunkiru 'adhab al-qabr wa huwa ya'lamu bin-nusus wa ya'lamu bil-adillah fa huwa kafir. Celui qui réprouve le châtiment de la tombe ou le délice de la tombe, alors qu'il connaît les textes qui sont venus à ce sujet-là, il devient mécréant. Amma idha ankarahu min bab at-ta'wil aw at-taqlid aw al-jahl fa hadha yubayyin lahu al-haqq. Par contre, quelqu'un qui réprouve en interprétant, en disant مثلا châtiment de la tombe ça veut dire ça et le délice de la tombe ça veut dire cela, ou bien taqlid, ou bien il a suivi d'une manière aveugle quelqu'un qui aurait dit ça, un prêcheur ou autre chose, ou bien par ignorance, il n'avait jamais entendu les textes comme quoi il y avait des hadiths et des versets qui citaient cela. هذا يبين له الحق. Celui-là, il faut lui montrer la véracité. فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. S'il reste sur ses positions après la clarification, on le déclarera كافر. قال الشيخ رحمه الله أحمد نجمي قال قوله عن الإيمان وشرائعه. Il dit que l'interrogera Munkar wa Nakir l'interrogeront et notamment sur l'Iman et c'est quoi? Condition requise. لعله يقصد هذا السؤال المجمل ولا أعرف شيئا من السنن يدل على السؤال عن فروع الإسلام والإيمان. Il dit, il parle sans doute des trois questions qui sont posées aux défunts, trois questions qu'on connaît, car il dit je ne connais rien dans les textes qui citent qu'il sera interrogé sur autre chose que فروع الإسلام, c'est-à-dire sur autre chose que cela. قوله ثم تسل روحه بلا ألم. أي بدون الألم الذي حصل له عند موته الأول. قوله ويعرف الميت الزائر هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك وفي صحته خلاف فيما أعلم. Donc il dit le fait que le mort reconnaît celui qui le visite, il dit ça se base sur ça c'est selon un hadith qui est rapporté sur son authenticité il y a discussion. Dans la marge, قال الردادي وفقه الله قد جاءت عدة أحاديث في أن الميت يعرف زائره إذا زاره ويستأنس به بيد أنه لا يصح شيء منها منظرها مع الكلام عليها منظرها مع الكلام عليها في بشرى الكئيب بلقاء الحبيب للسيوطي وبتحقيق مشهور حسن وأهوال القبور لابن رجب وبتحقيق محمد نظام الدين. Donc il dit que plusieurs hadiths sont venus à ce sujet-là, que le mort reconnaît celui qui le visite. Bayda معنى غيرة. بيد أنه لا يصح منها شيء غير أنه لا يصح منها شيء. Il y a rien qui est authentique à ce sujet-là. Et il dit regarde كتاب بشرى الكئيب بلقاء الحبيب de l'imam جلال الدين السيوطي ou bien أهوال القبور de الحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. Il faut croire qu'Allah تبارك وتعالى a parlé à Moussa ibn Imran le jour de Tour. Et que Moussa yasma'u min Allah al-kalam, et que Moussa a entendu les paroles d'Allah bi sawtin wa waqa'a fi ma sami'ihi minhu, à travers une voix qui a atteint, qui a été perçue par son oui, la min ghayrihi, ça provient d'Allah et pas d'autrui. Fa man qala ghayra hadha faqad kafara billahi al-'azim, celui qui dit autre que cela a mécru en Allah le sublime. Al-sharh, explication. Ithbat al-kalam lillah jalla wa ala bi usuli 'aqidati ahli sunnah wal jamaa, ça fait partie des fondements de ahli sunnah d'affirmer que Allah parle. أن الله يتكلم بكلام حقيقي كي الله يبارل بقول غيال سمعه جبريل جبريل عليه السلام لو انتندي وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس ووجد أن الله سبحانه وتعالى يكلمه من الشجرة إيك موسى عليه السلام lui-même a entendu lorsque il s'est dirigé vers le feu pour apporter un tison. Vous rapporterez un tison. Abbas, Abbas min al-nar. La'allahum yastalun. Qal et wajada anna Allah subhanahu wa ta'ala yukallimuh min al-shajara. Allah lui a parlé min al-shajara, comme ذكر الله ذلك في القرآن. Comme Allah a cité cela dans le Coran, dans beaucoup de versets. Wa sami'a Musa kalamahu qala Allah jalla wa ala kallama Allah Musa takliman. Sourate 4 verset 164 et Allah a parlé à Musa d'une manière réelle. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. Et lorsque Moussa est venu au rendez-vous et que son Seigneur lui parla. Sourate 7 verset 143. هذه مرة ثانية لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد كلمه ربه وعطاه ألواح التوراة مكتوبة فسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى. Donc il dit ça c'est une deuxième fois, Allah lui a parlé une deuxième fois quand Allah lui a promis de lui donner la Torah, et Moussa est allé au lieu de rendez-vous et au moment du rendez-vous et au lieu du rendez-vous, et que Allah lui a parlé et lui a donné l'alwah, les planchers ou les, je sais pas comment il traduit ça, tablette qui contient la Torah écrite et Moussa alayhi salam a bel et bien entendu les paroles d'Allah. Kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wasallam laylat al-mi'raj, et Allah a parlé au prophète sallallahu alayhi wasallam la nuit de l'ascension. Wa farada alayhi salawati al-khams, il a rendu obligatoire les cinq prières. فالله تكلم يتكلم جل وعلا بكلام يسمع بحرف وصوت. Donc Allah parle d'une manière réelle à travers des paroles qu'on entend, بحرف وصوت, à travers une voix et à travers harf, à travers des lettres, des mots qui sont composés de lettres. أما الجهمية concernant le firqa de الجهمية والمعتزلة فيقولون, ils disent Allah لا يتكلم, Allah ne parle pas. Lienna, لو أثبتنا الكلام له الكلام شبهناه بالمخلوقين. Car si on dit qu'Allah parle, il ressemble à ses créatures. لأن المخلوق يتكلم. Car la créature parle. وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟ Est-ce qu'on peut يعني faire une analogie entre les paroles d'Allah, une ressemblance entre les paroles d'Allah et les paroles des créatures? هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق. Il y a une différence entre les paroles d'Allah et les paroles de la créature. فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله. نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. Ils font pas de différence entre eux, créateur et la créature. Tout ça, c'est le résultat de تبلد الأفهام. تبلد, ça vient de balid, c'est-à-dire le caractère idiot. Le balid, c'est l'idiot. C'est-à-dire leur compréhension et leur raison qui ont atteint un degré d'idiotie assez élevé. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمع. Allah parle d'une manière réelle, travers des paroles qu'on entend. والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم الله به وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل ويتكلم متى شاء. Donc Allah il a parlé travers le Coran, travers la Torah, travers l'Injil, l'Évangile, la Torah, le Coran, et il parle quand il veut. إذا شاء et lorsqu'il veut سبحانه وتعالى. فكلامه من فعله جل وعلا. كلام fait partie de ses attributs. Et ça fait partie de ses actes. وَفِعْلُهُ لَا نِهَايَةَ لَهُ وَلَا بِدَايَةَ لَهُ. Ses actes, il n'y a pas de début, pas de fin. يَتَكَلَّمُ مَا تَشَاءُ إِذَا شَاءُ بِمَا شَاءُ جَلَّ وَعَلَى. فَالْكَلَامُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ الْفِعْلِيَّةِ. Les paroles font partie de ses attributs d'actes. قَوْلُهُ مِنْهُ سُبْحَانَهُ لَا مِنْ غَيْرِهِ. Ça vient bel et bien de lui, سُبْحَانَهُ, pas d'autrui. لَا مِنَ الشَّجَرَةِ. Ce sont pas les paroles de l'arbre. وَلَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. وَلَا مِنْ جِبْرِيلِ. Ou bien de la tablette préservée, ou bien de Jibril. Voilà, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni du prophète alayhi wa sallam. Wa kalamun bada min Allah haqiqatan. Vous avez bada ou bien bada'a? Bada'a. Hein? Bada'a. Il n'y a pas de hamza derrière? Non. Taïb. Bada min Allah haqiqatan. Paroles qui sont. Qui viennent yani, d'Allah réellement. Wa innama Jibril wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naqilani ani Allahi wa mballirani ani Allahi. Jalla wa ala. Jibril et Muhammad, ce sont les transmetteurs. C'est-à-dire quoi Bada alors? Bada apparaître. Ils sont apparus qui proviennent d'eux. قوله فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. من قال إنه كلام الله إن الله إن كلام الله مخلوق وإن أن الله لا يتكلم وعطل الله من الكلام فهو كافر. Donc, فمن قال غير هذا. Celui qui dit autre que cela a mécru en Allah le sublime. Celui qui dit que Kalam Allah makhluq, les paroles d'Allah sont créées et que Allah ne parle pas, ou bien que Allah est déchu des paroles, attal Allah min al-kalam, quoi Allah ne parle pas, il devient mécréant. لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ. Car il dément Allah, le messager, l'unanimité des musulmans. اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن فهذا يبين له. Sauf, Allahumma, ici ça veut dire sauf. Dans le sens, yani, sauf si vraiment quelqu'un il est ignorant, ou bien, il est l'interprète, ou bien, comme on a vu avant, muqallid, il suit aveuglément. Hada yuhsinu, pour ceux yani, qui pensent du bien des autres, dans ce cas-là, il faut d'abord passer par l'étape de clarification, lui dire que, parole d'Allah, haqiqi, ou kada, il expliquait la chose. Hein asarra. حكم بكفره لأن الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم. Car, yani si jamais il continue sur sa voie, on considérera comme étant mécréant. Car Allah a blâmé, aba, c'est-à-dire l'a considéré comme étant un handicap, que c'est comme étant une conviction fausse, etc. Que les associateurs adoraient des tamathil, des sculptures, latilat et tekellam, donc qu'ils ne parlaient pas. Qala Ibrahim alayhi salam, Ibrahim alayhi salam a dit comme dans Sourate Maryam, quand il parlait avec son père, il y a abati, oh mon père, lima ta'boudou, pourquoi tu adores, ma la yasma', ce qui n'en entend pas, wa la yubsir, qui ne voit pas, wa la yughni anka shay'a, et qui n'était profitable en rien. Sourate Maryam 19, verset 42. Wa qala lil kuffar alladhina ya'buduna al-asnam. Il a dit aux kuffar qui adoraient les statues, fas'alouhum in kanu yantiqun. Toujours Ibrahim alayhi salam. Sourate Anbiya, sourate 21, verset 63. Il a dit, interrogez-les. Quand il a détruit les statues, il a laissé que la grande. Il a dit, interrogez-les. Fas'alouhum in kanu yantiqun. Interrogez-les si elles peuvent parler. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل الله دي أبخو بود بني إسرائيل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا سورة 7 سورة الأعراف verset 148. Et le peuple de Moussa adopta après lui un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir, n'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin. فدل على أن الرب يتكلم سبحانه وتعالى وأن الذي لا يتكلم ليس ربا وكيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم. Donc il dit, ça montre que Seigneur, il parle. Sinon ce n'est pas un Seigneur. Comment il ordonne, comment il interdit, comment il يدبر, comment il dirige les choses. وهو لا يتكلم, alors qu'il ne parle pas. تعالى الله عن ذلك. وفي سورة طه ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. À propos toujours de l'ajl, donc ne voit-il pas, alam yaraw, annahu la yarja'u, alla yarja'u ilayhim qawlan. Comme quoi, quand il lui parle, il ne répond pas, wala yamliku lahum darran wala naf'a, qu'il ne détient à leur propos ni mal ni bien. Surat 20, verset 79. Alla yarja'u ilayhim qawlan, ay la yujibuhum idha khatabuh. C'est-à-dire qu'il ne leur répond pas quand il s'adresse à lui. قال المؤلف رحمه الله واعلم ان الشر والخير بقضاء الله وقدره. T'as plus, hein? طيب. Sache que le mal et le bien بقضاء الله وقدره. Et selon ce qu'Allah il a prédestiné. الشرح يجب الايمان بالقضاء والقدر. Il faut croire fermement au destin. قضاء وقدر. وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه ليس اعتباطا. Et que toute chose qui se passe dans cet univers là, ce n'est pas de manière hasardeuse que ça s'est passé. اعتباط, c'est quelque chose qui se passe d'une manière gratuite ou d'une manière hasardeuse. Ici c'est hasardeux. وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. Tout ça c'est prédestiné, c'est écrit dans la tablette préservée. وقد علمه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ ثم قدره. Allah a su cela et il l'a écrit dans la tablette préservée, puis il l'a prédestiné. ثم خلقه وأوجده وشاء. Puis il a khalaqahu wa awjada, il l'a créé et il l'a fait exister et il a voulu que ça se passe. La yujadu fi hadha al-kawn shay'un biduni an yasbiqa an yusbaqa bi qada'i Allahi wa qadarihi. Il n'y a pas quelque chose qui prend existence ou forme sans que il est précédé par la volonté d'Allah à ce sujet-là. Kullu shay'in fa innahu muqaddar. Toute chose elle est prédestinée. ومن ذلك parmi cela le خير والشر, le bien et le mal. Le خير الذي يحصل للناس بقضاء الله وقدره والشر الذي يحصل لهم بقضاء الله وقدره. Le bien qui arrive aux gens et le mal qui arrive aux gens, c'est selon ce qu'Allah il a prédestiné. والكفر والإيمان والمرض والصحة والجوع والشبع والغنى والفقر كل هذا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. La mécréance, le fait de croire et d'avoir certitude et conviction sur les choses, la maladie et la santé, la famine et le fait d'être rassasié, la richesse et la pauvreté, tout ça, c'est selon ce qu'Allah a voulu prédestiner. قال المؤلف رحمه الله والعقل مولود يعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل. La raison est innée, la raison est donnée à chaque personne par volonté d'Allah. Elle varie juste dans la raison comme une petite tache dans les cieux. Il est demandé à chaque personne d'agir selon ses actions conformément à la raison. La raison n'est pas une chose acquise mais plutôt une bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. الشرح العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء. Donc العقل, la raison, c'est une force qu'Allah a donnée à l'humain à travers laquelle il peut percevoir les choses. يعرف بها الضار من النافع. Il reconnaît ce qui est nuisible du profitable. والخير من الشر. Le bon du mauvais. لا أحد يدري ما كيفية العقل. Personne ne sait le comment est né de cette raison exactement. تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة. Ils ont discuté à tort et à travers sans arriver à un résultat. Un résultat positif. لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. Partie des choses qu'il y a que Allah qui connaît réellement. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره مثل ما يعقل الحبل الدابة من من الانفلات. Donc il dit العقل a été nommé comme ça لأنه يعقل الإنسان عما يضره. C'est comme comment dire ici dans la deuxième phrase مثل ما يعقل الحبل الدابة. C'est comme la corde elle rattache la bête من الانفلات pour pas qu'elle puisse s'enfuir. ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ Et on l'appelle également حجر dans سورة الفجر سورة 89 verset 5. الحجر هو العقل. إن في ذلك لقسم لذي حجر. إن في ذلك لقسم لذي لذي عقل لذي حجر. الحجر هو العقل. سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره. C'est un obstacle qui empêche la personne d'atteindre ce qui lui est nuisible. Voilà. Obstacle, quelque chose qui le retient, يحجره عنه, ne laisse pas parvenir à, etc. ويسمى النهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. سورة طه verset 54. يعني أصحاب العقول. أولو النهى هم أولو العقول. Les gens doués de raison. ويسمى اللب لأولي الألباب. سورة آل عمران. سورة 3 verset 190. يعني أصحاب العقول. Les gens dotés de raison. فهذا العقل من آيات الله سبحانه وتعالى وقول المؤلف هو مولود الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما. En apparence, que veut dire l'auteur par هو مولود, ils ont traduit par inné, c'est-à-dire que c'est une créature, ce n'est pas quelque chose qui est قديم أي أو أنه يولد مع الإنسان. Comme quoi ce serait quelque chose qui serait automatiquement rattaché à la personne, mais c'est quelque chose qui est créé. وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله ولذلك اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفة ولم يصلوا إلى نتيجة في العقل لأن هذا ليس من اختصاصهم. Donc il dit comme on a cité avant, il y a pas yani, même c'est pas demandé de faire des recherches là-dessus. Et ulama al-kalam, les philosophes et tout ça là, ils ont cherché à faire des recherches là-dessus sans arriver à un résultat positif. Ça fait partie des spécificités qu'Allah connaît. والعقل يتفاوت. La raison, elle est sur différentes étapes selon les gens, différents degrés. من الناس من عقله كامل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Les prophètes, ils ont une raison qui est complète. ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتوه والطفل. Il y a des gens qui n'ont pas de raison du tout, tels que le majnoun, le fou, le ma'touh, c'est comme quelqu'un qui tout simplement qui délire. Le mot ma'touh, c'est quelqu'un qui délire. Et at-tifl, l'enfant en bas âge, il n'a pas l'aql de perception des choses. Wa min an-nas man huwa bayna wa bayn. Il y a des gens qui sont entre ceci et cela, bayna kamal al-aql wa bayna adam al-aql, qui sont entre le caractère complet dans la raison et l'inexistence de celui-ci. يعني عنده عقل لكنه ليس تاما. Il a une raison mais elle n'est pas complète. ويتفاوت في النقص منهم من عنده نقص في عقله كثير. Il y en a qui sont amoindris dans leur raison d'une manière considérable. ومنهم من عنده نقص قليل وهكذا. Il y en a qui ont un petit amoindrissement etc. وهذا حسب ما يجعله الله سبحانه وتعالى. Selon ce qu'Allah a donné à chaque personne. ويطلق العقل على الفهم أيضا. On utilise aussi le terme عقل concernant la compréhension. يقال عقل الآيات القرآنية. On dit مثلا إلى عقل بمعنى فهم الآيات القرآنية لآيات لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورة النحل سورة 16 verset 12. يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سورة العنكبوت. Aussi des signes يعني qu'on donne aux gens et il n'y a que les doués de connaissances qui les perçoivent réellement. Sourate 29 verset 43 Al-Kabut. Al-aql yutlaqu 'ala al-fahm wal-idrak wal-fiqh fi din Allah 'azza wa jalla afala ta'qilun. Sourate Al-Qasas sourate 28 verset 60 ne raisonnent-ils pas, ne comprennent-ils pas, etc. Wa min an-nas man yutmasu 'ala 'aqlihi bi sabab kufrihi wa bi sabab ghaflatihi. Il y en a que at-tams, c'est-à-dire recouvert si on peut dire. Tams le sawar. Comme Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali, il a envoyé quelqu'un, il lui a dit, ne dis pas que je t'envoie pour ce que le messager m'a envoyé. Allah tajida suratan illa tamastaha. Dans le sens que yutmasu ala aqlihi bisabab kufrihi. Il n'a pas yani de raison profitable à cause de sa mécréance, ou bisabab ghaflati, à cause de son insouciance. Fala yumayyizu bayna ad-dar wa an-nafi', fa huwa 'aqil. C'est pas quelqu'un de raisonnable. Il ne distingue pas entre le mauvais et le entre le nuisible et le profitable. Lakinnahu lam yantafi' bi'aqlihi. حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره فصار لا يعقل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. Donc il dit, à cause de sa mécréance, sa raison, elle ne sert à rien, si on peut dire ça comme ça. Allah dit dans le Coran, à propos de ceci, par exemple, plusieurs versets dans Sourate Al-Furqan, 25, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Allah il le prive. يحرمه, c'est il le prive de sa raison. Punition, sa défaveur, car il ne l'utilise pas, il ne l'utilise pas dans sa raison, dans ce qui est profitable. Cette personne a utilisé la raison dans ce qui ne lui est pas profitable, ou bien dans ce qui lui est nuisible complètement. Et donc l'aql fait partie des miracles d'Allah. Qawluhu wa yutlabu min kulli insanin min al-amal ala qadri ma'atahu min al-aql. Il a demandé à chaque personne d'agir selon ses actions conformément à leur raison. Al-taklif wal-awamir wal-nawahi wal-thawab wal-iqab kulluha manouta bil-aql. Donc al-taklif. Taklif, c'est-à-dire que la personne elle soit considérée comme étant responsable des comptes à rendre, yawm al-qiyam, etc. Al-awamir, fait de faire les ordres, nawahi, délaisser les interdits, qui sera récompensé ou châtié, kulluha manouta. Manouta et marbouta. Manouta bil-aql, elles sont rattachées à la raison. Quelqu'un qui a une raison, il est responsable, quelqu'un qui n'a pas de raison, n'est pas responsable. Qawluhu, wa laysa al-aql bi-iktisab, innama huwa fadlun min Allah azza wa jal. La raison n'est pas une chose acquise, mais plutôt une bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'aql min Allah jalla wa ala, huwa alladhi yurakkizuhu fil insan. Donc l'aql c'est un don d'Allah. C'est lui qui le donne, qui le concentre dans l'être humain. Wa huwa min asrar Allah jalla wa ala fi khalqihi. C'est partie des secrets d'Allah dans sa créature. Laysa al-insan huwa alladhi yaktasibu al-aqla. نعم الإنسان يقوي عقله بالتفكير في آيات الله في تدبر القرآن أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا. Il dit, donc c'est un don de la part d'Allah. Il dit, il est vrai que l'homme, l'être humain, développe sa raison à travers le fait de réfléchir, de méditer, etc. أما أنه يكتسب عقلا. Par contre, le fait de dire que il يكتسب acquiert. Il acquiert une raison qui était inexistante auparavant, qui était inexistante auparavant, fala. Il dit ça c'est faux. Allah huwa alladhi awjada fihi aqlan la yumkinu huwa an yujida aqlan min nafsihi wa yaktasibuhu. Il peut pas aimer une personne qui n'a pas de raison et il se l'approprie ou l'acquiert lui-même. Lakin bimkani an yuqawwiyahu. Par contre, il peut la développer. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Hajj, que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate 22, verset 46. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّفَكُّرَ فِي الْكَوْنِ والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان ويقوي عقله. Ça montre que le fait de réfléchir et de méditer sur ces choses-là, ça, c'est profitable et ça fait développer la raison. لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. Vous voyez, ça ne montre pas qu'il peut faire exister une raison qui n'était pas existante. الشيخ النجمي رحمه الله دي ونحن في الآونة قد حصل لنا في الأرض شيء من الصناعات. Donc il dit في هذه الآونة notre époque, il dit la technologie avancée التي هدى الله إليها عقل الإنسان. Allah a guidé la raison de l'humain pour atteindre ce degré. ما يجعل الذي في جزيرة العرب يسمع كلام الذي يكلمه من أمريكا أو اليابان أو الفلبين أو أستراليا أو غير ذلك من الأماكن البعيدة الشاسعة بواسطة التليفون حتى كأنه معه في مجلسه بينما المسافة بينهما قد تصل إلى 13,000 كيلو أو 15,000 كيلو متر. Donc il dit, tu es dans la péninsule arabique, donc là où ils vivent, et tu entends la personne qui te parle alors qu'elle est aux États-Unis, ou bien Yaban, c'est le Japon, ou bien les Philippines, à Australia, Australie ou Philippines, ou à d'autres endroits qui sont loin, à travers un jihaz, à travers le petit appareil que tu tiens dans ton oreille qui est le téléphone. Alors qu'entre toi, il y a des distances et lui qui peuvent atteindre 13 000 km, 15 000 km, etc. Wa hada innama na'khuduhu dalilan ala liman da'afa imanu. Ça, c'est une preuve concrète et réelle et visible, etc. Perceptible pour celui qui a une faiblesse de foi. Wa qalla yaqinu. Amma qudratullah fa hiya fawqa dhalika kullih. Il dit là, la puissance d'Allah, elle est au-dessus de cela. Wa qad dhakara bi anna Allah. وقد ذكر بأن الله إذا كلم موسى ينزل عمود من نور فيسطع على كتفه الأيمن ويسمع الكلام منه. Et il a été cité que lorsque Allah parlait à Moussa, il y avait amoud, un genre de pilier qui descend de lumière et qui brillait à hauteur de son épaule droite, et il entendait les paroles d'Allah. De هذا الأثر أورده بنحوه الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية فصل في دخول بني إسرائيل التيه وما جرى لهم فيه من الأمور العجيبة تخرج الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله. مهم. ونحن نؤمن بأن الله كلم موسى وأن موسى يسمع كلام ربه على أي كيفية شاء الله تعالى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. دي on croit fermement que Allah il a parlé à Moussa et que Moussa il a entendu les paroles d'Allah على أي كيفية شاء comme Allah l'a voulu, le comment qu'Allah a voulu. Voilà la conviction d'Ahl Sunnah. ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال وبالله التوفيق. Celui qui dit autre que cela est innovateur et perdu. وبالله التوفيق. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Continuer en chaleur la semaine prochaine. Téléphone. C'est pas un mot arabe, c'est un kalima mu'arraba. C'est un mot en français ou en anglais ou kada. Le hatif, هو الاتصال. Hatif, ça veut dire appeler. هاتف فلان فلان un tel a appelé un tel. Ça veut pas dire téléphone. Jawal, ça veut dire portable. Quelque chose qui se naqal, qui m'a goulouhuma. Jawal qui se voit la mobile. À côté. C'est quoi? C'est rien. C'est un appareil pour.